Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé, avec une avalanche de nouveautés dans l'émission de ce soir. On aura le dernier Skeletal Remains, Judas Priest, Midnight, Mortaskuld, les Bâtards du Roi pour l'aspect française et quelques autres. Voilà, qu'on prendra bien le temps de se présenter tout au long de l'émission de ce soir. L'émission d'aujourd'hui commence d'ailleurs par une doublette de nouveautés. Skeletal Remains, le groupe de death venu de Californie qui sort là son cinquième effort studio en bientôt 15 ans d'existence, plutôt prolifique les garçons. 10 titres avec une cover de Eternal à la fin, un album plutôt efficace dans sa globalité, un death bien traditionnel, un peu old school et qui tabasse de A à Z. Judas Priest, ensuite, là par contre on est sur des ultra-vétérans, 50 ans de carrière pour les Anglais, 6 ans pile après Firepower qui était sorti en mars 2018, ils sortent là leur 19e album studio. On est sur 11 compos qui ne révolutionnent absolument pas la discographie du Priest, c'est juste une cinquantaine de minutes d'un heavy bien musclé, une prod massive, moderne, musicalement c'est donc très classique, mais c'est toujours aussi bien fait, et Alford est impressionnant d'impérialité, au niveau de ses compétences vocales. Bon, il y a certainement pas mal de retouches qui sont faites en studio, mais l'illusion est parfaite et on va pas bouder notre plaisir. Au niveau de ce qu'on va s'écouter tout de suite, le titre de Skeletal Remains, avec donc le morceau Relentless Appetite, extrait d'album Fragments of the Ageless. Judas Priest, The Serpent and the King, extrait d'album Invincible Shield. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission de ce soir, c'est parti! We'll be right back. Cette suivante nous fait rester dans l'extrême, mais nous fait voyager cependant de l'Europe aux États-Unis avec la doublette Borknagar, Job for a Cowboy. Borknagar, tout d'abord, la formation norvégienne, hein, des vétérans en la matière, ils fêtent là leurs 30 ans d'existence. Et pour l'occasion, ils sortent donc un 12e effort studio, une disco ultra solide, 8 titres qui font chacun entre 5 et 10 minutes, toujours une œuvre généreuse dans sa globalité, avec une formule bien classe, dont bah, Borknagar maîtrise tout à la perfection. Ce parfait équilibre mélange entre du black viking avec une touche de prog, et toujours voilà, au niveau des parties vocales, des parties vraiment clean et d'autres plus mélodieuses, donc avec ces phases beaucoup plus agressives et frontales. Ce nouvel effort de Borknagar s'appelle donc, alors on est toujours sur la sobriété, hein, Fall. Voilà, pour le nouvel effort studio des Norvégiens. Et ensuite, les ricains de Job for a Cowboy, le groupe à l'origine de Brutal Deathcore, ultra quali, qui nous avait sorti un EP absolument culte maintenant, hein, sobrement intitulé Doom en 2006, nous sort là son quatrième effort studio, Moon Healer, et il fait suite au précédent qui était sorti il y a 10 ans. Into the Crystalline Crypts, c'est le titre qu'on va s'écouter pour Job for a Cowboy, toujours du death technique, sans être démonstratif, hyper inspiré, et efficace. Borknagar, on s'écoutera le morceau Summits. C'est parti. We'll be right back. continuer à dérouler tranquillou l'émission de ce soir avec déjà une autre nouveauté. Les Ricains bien cradingues de Midnight. Voilà le nouvel effort studio à 200 à l'heure, hein, qui sort pile 2 ans après Let There Be Witchery. Voilà, le power trio de Cleveland sort un 6e effort studio actif depuis 20 ans maintenant. 10 morceaux pour tout pile 25 minutes, des compos encore plus concises que ce à quoi nous avait habitués. Le résultat c'est encore plus punk, brut, vraiment cradingue, c'est basique, c'est dans l'instant. Et c'est toujours aussi bien efficace et ça reste vraiment bien sale. Voilà, toujours cette espèce de speed trash black punk bien rugueux. Doublette américaine donc avec Atoll, ensuite groupe de Brutal Death qui nous vient de l'Arizona, actif depuis une petite dizaine d'années. Il sort que là leur 5e effort studio, plutôt prolifique, hein, 6 mois après le dernier qui était sorti l'année dernière au plein été. 2 albums qui se ressemblent pas mal, 9 compos pour 30 minutes d'un Brutal Death slamisant, ça tartine, ça groove, et la basse est absolument incroyable, on croirait écouter un album de Seven Human Targets. Au niveau des titres que l'on va s'écouter dans la doublette à venir, Midnight, le titre Masked and Deadly, extrait de l'album Hellish Expectation, une sortie Metal Blade. Atoll, le titre Husks, extrait de l'album Inhuman Implant, et c'était une sortie Unique Leader, c'est parti. We'll be right back. Et pour la doublette à venir, on va avoir encore une petite nouveauté. Mais avant cette nouveauté, nous avons tout d'abord les Espagnols de Iron Curtain, le groupe de Heavy Speed, voilà, qui est actif depuis 2007. Sort là son cinquième effort studio. On est sur une quarantaine de minutes d'un métal qui dégouline les années 80, le heavy bien speed trash et heavy trad, très européen, hein, ça va chercher dans les premiers Running Wild, Grave Digger, et ce côté un peu punkisant à la sauce Motorhead. Il y a zéro surprise hein, dans ce qui est fait, mais c'est joué avec conviction, envie, et c'est ultra efficace et très bien fait. On passe ensuite de nouveau aux États-Unis avec les vétérans du Death de Mortaskuld, la formation du Wisconsin sort là son 7ème effort studio. Pour resituer un petit peu Mortaskuld, ça s'est formé dans les années 90, 4 albums ont vu le jour entre 93 et 97, un split pendant 15 ans, et il y a à peu près 10 ans, hein, un peu après 2010, retour aux affaires, nouvel effort studio d'un death assez typé 90 aux US, coucou Obituary, Monstrosity ou même Cannibal, ça coigne, c'est groovy, et puis Mortaskuld, bah, ça s'écoute toujours avec autant de plaisir. Au niveau des morceaux choisis, Iron Curtain, le titre Die Wolf, extrait de l'album Savage Dawn, une sortie d'Ink Victim. Mortaskuld, ça sort chez Peaceville Records, l'album s'intitule Creation Undone, et on s'écoutera le titre Painful Conflict. C'est parti. Yeah. Allez, on entre avec classe et majesté dans l'aspect française, hein, une diffusion 100% hexagonale pour les doublettes à venir. Griffon, Worst Opt, ils nous sortent là un des tout meilleurs EP de la scène hardcore française, déjà de ce début de l'année, et certainement sur la durée. Griffon, clairement le meilleur album de black metal français à l'heure actuelle pour cette année 2024, il va falloir taper très très fort pour essayer de le détrôner de cette place de choix. Des Republica, un album absolument prodigieux qui a vu le jour chez les Acteurs de l'Ombre. Griffon a bénéficié d'un petit focus sur l'émission de la semaine dernière. Écoutez-vous cet album, procurez-vous-le, il est génial. On s'écoutera le titre éponyme, donc Des Republica, qui est également le titre de clôture. Worst Opt, Immortal Pain, le nom de cette nouvelle EP qui sort chez Beat Down Hour et Death Records. On est sur du Death, du hardcore très Death Rickin avec une caisse claire Tefal, c'est parfait. On s'écoutera le morceau Consume. Les présentations sont faites, c'est parti. la chambre de la République bafouée. Sous les coups des milices armées. Tombe, tombe, nos gouvernants. Doublette à venir, les Nantais de War Inside, toujours ce Black Death inspiré, très virulent et en même temps très ambiant dans les recherches au niveau des riffings, hein, puis c'est hyper soigné, c'est presque tech dans l'approche qui se veut très chirurgicale. Gros changement de line-up, hein, c'est le premier album qui voit le jour depuis 2016. Et en doublette avec War Inside, Nemedian Chronicles, on est sur du Heavy Power Epic qui nous vient de Toulouse, très inspiré par le Blind Guardian des années 90 ou le meilleur du Manowar des années 80. C'est frisant avec le speed metal parfois, avec des riffs ultra solides, et bah, vocalement ça tient bien la route. Au niveau des morceaux qu'on va se diffuser tout de suite, tout d'abord donc War Inside, le morceau Unleashing, extrait de l'album Unhealthy Earth, et à noter que c'est une sortie sur le label nantais Lord Ali Noir. Nemedian Chronicles, ensuite, voilà, en plus sur le thème de Conan le Barbare. On s'écoutera le morceau The Savage Sword, extrait de le morceau The Thing in the Crypt, extrait de l'album, pardon, The Savage Sword, c'est parti.